tu es un garçon. Et toi et moi n'avons jamais les mêmes réactions. Je sais que c'est vrai. Tu regardes une fille et tu la trouves très jolie. Pour que moi déjà je tremble, j'ai l'impression que tu m'oublies.